Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondin Analysé, RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis et ce soir exceptionnellement de 21h à minuit puisque c'est la grande première d'un format qu'on va vous présenter tout au long de la saison, une fois par mois, le premier vendredi. On passe en mode longue durée. Pendant 3 heures, on va évidemment parler des Girondins, hein, puisque quand même, on reste quand même Girondin Analyse. Mais voilà, une fois par mois, on vous l'a annoncé depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, on va vous proposer une émission un petit peu spéciale, un petit peu décalée, avec d'autres personnalités du monde de la vie sportive bordelaise. Et pas que, on évoluera aussi au fil de la saison. Et ce soir donc pour la première, nous avons 4 invités en studio spécial. Première partie d'émission consacrée au club des JSA Basket. Il y a le président du club, Monsieur Sarrazin, qui est avec nous. Bonsoir président. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait plaisir. Et avec vous, un de vos joueurs, Alex Viarale. Salut Alex. Salut. Merci à toi d'avoir également accepté notre invitation. On va être avec vous jusqu'à, on va dire 10h moins le quart à peu près pour présenter pour ceux qui connaissent peut-être pas aussi le club des JSA Basket. Il y en a peut-être même qui ne savent pas qu'il y a un club de basket à Bordeaux. Faut le faire quand même pour pas le savoir, mais sait-on jamais. On va parler avec vous évidemment de l'actualité du club, de plein de choses, de ce qui vous attend cette saison, de vos objectifs, plein de débats, plein de sujets. Et on enchaînera avec nos deux invités suivants. On va les présenter de suite, comme ça sera fait. Il y a Julien Torres. Bonsoir Julien. Bonsoir. Et il y a Benoît Amédée. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Merci à vous, messieurs, également d'avoir accepté notre invitation. Vous les connaissez peut-être mieux. Et là, il va falloir m'aider. Sous leur pseudo de... Comment on appelle ça? De e-sport. De e-sport, voilà. Merci à vous. Puisque Benoît... Kalash. Et Julien... Jitaz. Voilà. Donc, si vous croisez ces gens-là en ligne, ou je sais pas comment on appelle ça, ils sont avec nous ce soir en studio. Ouais, là, les gars, je vous promets, sur l'e-sport... T'es à la console, toi, non? Ouais. Sur le e-sport, les gars, moi, ça va être... Ça va être rock'n'roll, je vous cache pas, ça va être... T'es branché console, ça? Ouais, non, ça va... Si, console, oui, mais je sors pas de mon appartement, si tu veux, moi. Ça... Connexion, elle passe pas. J'en ai marre de me faire déglinguer à Call of à chaque fois que je sors le bout de mon nez. Bref, on continue, comme d'habitude, vous avez toujours la possibilité de venir sur le chat pour parler avec nous en direct. Si vous voulez poser des questions en direct à nos invités, 05 56 35 31 31, vous pouvez interagir également via le chat, si vous avez des questions, on les relaiera, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Écoutez, voilà, le programme est déjà bien chargé. Avec moi ce soir, il y a autour de la table, on va faire les présentations rapidement, Cyril. Salut Cyril. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien. T'es remis de ta maladie? J'ai grosse crève cette semaine. Ah ouais, là c'était rock'n'roll. Rémi, qui n'a pas la crève. Salut. Mais... Ça va, en pleine forme. En forme. Il y a Thomas. Mais reste pas au fond, petit Thomas. Trouve-toi une place. Mets-toi quelque part. Reste pas le pauvre. Enzo est également. Ça va, Enzo? Ça va, ça va. Adrien, vous l'entendrez dans quelques instants. Et petit Thomas. Salut Thomas, c'est notre dernière recrue, Thomas. Ça va, mon bonjour, grand? Bonjour, ça va, très bien, ouais. T'es chaud? Ouais. Ça y est, ça c'est le week-end, bien. C'est les vacances? Ah non, c'est que tu reprends le week-end. Non, le week-end, juste le week-end. Ça y est. Il va falloir te remettre au bail, mon gars, c'est fini, elle a été terminée. Deux semaines de vacances, rideau, là. Allez, au boulot. Cahier, cartable, crayon, et en avant. Allez, messieurs, on va attaquer donc directement avec nos deux premiers invités, monsieur Sarrazin, président des JSA Basket, et Alex Viarale. Première petite question, Cyril, si tu veux t'y coller. Ou non, mais d'abord je voulais vous présenter donc Monsieur Sarrazin, donc président des JSA. On a parlé tout à l'heure en aparté avant l'émission. Vous êtes un dirigeant habitué du basket français, puisque il me semble que c'est pas votre première expérience dans le basket. Non, non, moi j'ai eu la chance d'être vice-président du Limoges CSP pendant 4-5 ans avec Fred Forté. Et puis après, je suis parti et j'ai pris la présidence du club professionnel de basket féminin, juste à côté de Limoges, avant d'arriver à Bordeaux, où j'avais promis à mon épouse de ne plus être dirigeant du tout de club professionnel. Ça prend énormément de temps et vous voyez où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'ai respecté ce qu'elle m'avait demandé. Quoi. Et donc, je suis très fier d'être le président, mais depuis peu finalement, puisque je suis président depuis le 1er juillet 2017 des JSA Bordeaux Métropole Basket. Et donc du coup, on a Alex qui se trouve juste à côté. Alex, c'est pareil, ton parcours avant d'arriver au JSA. Donc tu es de La Rochelle, c'est ça ? C'est ça, exactement. J'ai fait, c'est simple, j'ai fini mon bac à La Rochelle et après pour les études et en même temps pour le basket, j'étais en contact avec les JSA. Donc je suis arrivé en jeune et 2 ans après, enfin ça fait 4 ans maintenant que je suis dans l'équipe première à Bordeaux. 23 ans, 1m93. Bon, pas 110 kilos, bon mais défenseur. Non, alors pas, ouais, pas 110 kilos. Je suis pas, si grand que ça après. Hein. Il y a beaucoup plus grand que moi dans l'équipe. Défenseur, ouais, plutôt. Plutôt, on va dire. Et donc, t'as une entre guillemets une particularité, c'est que tu, en dehors du 5-5 qu'on connaît tous évidemment, tu évolues aussi dans le 3-3. Explique-nous ce que c'est rapidement pour les gens qui connaissent pas. C'est un sport qui va être au JO en 2020. Ils essayent de développer ça en masse parce que c'est un sport qui est vachement plus visuel et qui est pratique à faire et facile surtout à faire. Et du coup, voilà, on pratique ça l'été. On a créé une équipe avec des copains avec qui je jouais en cadet, des jeunes. Des copains très jeunes et du coup on a créé notre équipe et l'été on part vadrouiller en Europe à l'étranger et voilà, on prend du plaisir, en plus on a des résultats, donc franchement c'est top et ça permet en plus de tenir en forme pour la saison de 5-5. C'est la ligue de Ice Cube aux États-Unis? Non, c'est différent. Non. Ice Cube, c'est vraiment que du business. Il n'y a pas vraiment grand jeu sportif. Il me semble qu'il a une ligue, il a créé une ligue de basket. Il a créé une ligue de basket 3-3, mais c'est vraiment plus pour des légendes et plus pour du business que pour de l'enjeu. Alors que là, sur laquelle on participe, c'est du coup une ligue de la FIBA qui va encadrer aussi la ligue qui va être au JO. Donc c'est tout qui est relié. Et donc voilà, il y a des tournois qui se font en France de plus en plus. Ça se développe en masse. Et après, en Europe aussi, il y a pas mal de tournois et à l'international aussi. Et les règles qui changent ? Du coup, c'est demi-terrain, 12 secondes de possession, tout va plus vite. Tout est fait pour que ça soit un petit peu plus spectaculaire. Il y a plus de coups. Ils ont essayé de garder un peu cet esprit un peu streetball. Donc voilà, c'est intéressant. C'est beaucoup plus physique. Et voilà. Et du coup, quand tu arrives en préparation, t'es affûté, quoi. C'est ça. Président est content, donc. Alors, il est modeste parce qu'il a quand même un super palmarès en 3-3. Il vous l'a pas dit, mais. J'allais. Tu peux le dire. Ah, tu l'as. Non, non, bah, allez-y. Je préfère que ce soit lui ou toi qui le dise. Non, non, j'allais dire. Donc, champion du monde universitaire. Ouais. Donc, déjà, quand même, chapeau, bravo. Déjà, applause. Cinquième. Ouais. Ah, c'est pas donné à tout le monde. Cinquième meilleur joueur français, 88e joueur mondial. C'est quand même. C'était l'été dernier. C'était. Ouais. Wow, c'est allez, bien, au pire, t'es 90e. Ça va. Donc, bravo à toi, parce qu'il faut le faire quand même. C'est... Ouais, merci beaucoup. Et bon. Du coup, les JO, c'est un objectif ? Non, on y pense, mais y a déjà des gens qui sont en place et ça risque pas trop de bouger, je pense. Et puis, déjà, il faut que l'équipe de France soit aux JO. Et ça, c'est pas encore fait. Parce qu'il n'y a que 8 places et ça va se faire en fonction des fédérations et on a beaucoup beaucoup de retard par rapport à d'autres fédérations qui ont vite compris et qui ont déjà le pas par rapport à nous. Ouais. Mais c'est pas complètement... On est sûr de les avoir en 2024 parce qu'on organise. Voilà, avec Paris. Mais Tokyo en 2020, ça va être dur parce que même si la fédération fait beaucoup d'efforts et est en train de créer beaucoup plus de championnats et de ligues en France, avant qu'on dépasse des fédérations comme la Serbie, la Croatie ou la Chine, on a beaucoup de retard encore. Ça va être compliqué. Mais allez. Mais pourquoi pas ? Après tout, on espère, ça serait bien. Et puis c'est une chance de médaille plutôt facile. Donc on espère. Ça serait bien qu'après que le basket français ait brillé les années précédentes en 5, il puisse briller aussi en 3. Ça mettrait encore plus la lumière justement sur le basket et sur cette discipline. Ça serait top, ouais. Ça serait top. La saison des JSA, président, la préparation, tout, voilà, il n'y a pas eu. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de. Vous êtes confiant. On a eu plus de temps que d'habitude pour préparer la saison, donc ça c'est plus confortable. On a fait un recrutement, alors on a gardé 3 joueurs de la saison dernière, dont Alex. Et puis on a recruté 5 joueurs professionnels hein, qui viennent. Donc il y a un étranger, un américain et 4 français. On a plutôt une équipe jeune, donc il y a 8 pros dans notre roster, et puis on a intégré 2 jeunes joueurs issus de la formation des JSA, de l'association des JSA, un de 17 ans, hein, Gérald Ayayi, qui est très prometteur, hein. D'ailleurs c'est une famille basket, hein, puisque la sœur est en équipe de France féminine, et puis le frangin doit être en U20, en équipe de France U20, quoi. Et le deuxième frangin doit être aux États-Unis, il est parti en NCAA, je pense, donc une vraie famille de basket. Et puis on a Andy Luizzi, là, qui a 21 ans, qui fait 2m05 et qui est au JSA depuis un certain temps et qui a progressé et qui nous a permis de l'intégrer directement dans le roster. Et après l'entraînement, il y a 4 jeunes issus de la formation qui accompagnent l'équipe première et en fonction des absences, des blessures, complètent un peu l'effectif pour que l'entraînement soit complet à chaque fois, quoi. Et du coup, Alex, quand on se retrouve dans un effectif qui a beaucoup changé, que tu es, on va dire, un des tauliers, quoi, parce que tu es dans les 3 qui restent. Est-ce qu'à 23 ans, c'est difficile de te mettre déjà dans la tête que tu es peut-être un des piliers du vestiaire? Après, l'effectif a pas tant changé que ça parce qu'on a fini la saison l'an dernier à 6 pros. Parce qu'il y a eu des blessés, il y a eu dans la saison des gens. On a fini à 6 pros et du coup, au final, il n'y en a que 3 qui changent par rapport à d'autres saisons, c'est pas grand chose, quoi. Donc il y a 5 nouveaux, mais après, dire ça fait donc maintenant 4 ans que je suis dans l'équipe, c'est vrai que ça fait bizarre un peu. On a gardé des joueurs. Les 2 autres qui sont avec moi, il y en a un qui ça fait 3 ans déjà qui joue avec moi et l'autre ça fait 2 ans. Donc. Tu peux les nommer? C'est Jeffrey Dalmat et Anthony Prenière. Du coup, ça fait 2 ans minimum qu'ils sont là. Donc, on a nos repères déjà tous les 3 ensemble. Andy, je le connais bien, le jeune qui a intégré, et même Gérald. Donc, non, ça s'est fait plutôt facile. Et puis, le recrutement, en plus d'être bon sur le plan du jeu pour l'instant, enfin, ça se passe super bien. En plus, c'est vraiment des bons hommes et ça a été vraiment facile au niveau de l'intégration. Et il n'y a pas eu de soucis là-dessus. Franchement, c'est bon gars. Président, comment on fait, c'est votre deuxième saison donc en tant que président des GSA, comment on fait à une intersaison pour activer peut-être des réseaux pour aller chercher certains joueurs? On est obligé de passer par la case joueur américain, comment on fait non. Quand on est les GSA pour aller chercher des joueurs intéressants? D'abord, on est attentif à la saison qui se déroule avant pour voir s'il y a des joueurs qui nous intéressent. Donc voilà. Après le coach, puisque là pour le coup on l'a gardé, c'est sa deuxième saison également, puisqu'on a dit qu'on avait gardé 3 joueurs, mais on a aussi conservé le coach. Et donc là, lui aussi a pu en National 2 repérer un certain nombre de joueurs. Et d'ailleurs il y en a qui sont venus, un de Toulouse et un de Feur dans notre effectif. Après c'est la relation avec les agents, parce que tous les joueurs ont des agents. Et donc dans le milieu de basket, ça reste quand même un milieu quand même assez restreint, hein, quand même. Et donc on appelle les agents ou d'ailleurs ils nous appellent bien avant la fin de saison pour voir là notre ambition. Nous on a été assez tardivement engagés en National 1, puisqu'on avait fait un dossier wildcard. Sportivement on était 3e, on n'était pas directement engagés en National 1. On était au ranking. Alors c'est un peu technique, mais on était l'équipe la plus intéressante derrière pour pouvoir monter en National 1. Donc la Fédé nous a accordé ça. Et donc on est parti un peu en retard pour le recrutement, mais ça se fait assez facilement. Et puis le plus facile, j'allais dire, c'est les étrangers, hein. Donc que ce soit les Américains, les Cotonou ou les Bosman, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et d'ailleurs le dernier qu'on a dû recruter, c'est l'Américain Richie Gordon, puisque bon, d'abord ça a été un peu plus long dans la négociation parce que c'est jamais simple, et puis c'est plus facile de trouver un étranger que des joueurs français quand même, hein. Juste Cyril, après je te passe la main, mais juste c'est jouer en France pour un joueur américain ou étranger, c'est pas un aboutissement, c'est quoi? C'est un aboutissement, c'est un passage d'état pour dire après évoluer. Alors, ça dépend de l'âge qu'ils ont, hein. Certains joueurs qui sortent de NCAA ou NCAA 2, venir en Europe, ça reste quand même quelque chose d'intéressant, quoi, parce que ils sont très très nombreux aux États-Unis et évidemment la porte vers la NBA est assez étroite, hein. Il y a une grosse densité. Voilà, et donc pour le coup, même s'il y en a qui continuent sur leur continent, il y en a beaucoup qui arrivent en Europe et en France en particulier, parce que on a plutôt on paye plutôt bien les joueurs et on les paye régulièrement, ce qui est pas le cas dans d'autres championnats espagnols ou ailleurs. Et donc ça se sait dans le milieu sportif et notamment dans le milieu du basket. Donc venir en France, les Américains, ils sont plutôt favorables, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on en a pas mal, ouais. Cyril. Moi, j'aimerais savoir, président, comment on construit un budget quand on est un club comme les JSA, donc un budget pour la nationale 1. Est-ce que c'est pas trop prise de tête? Du coup, on passe beaucoup par les sponsors, par les partenaires, j'imagine. Ouais, non, si c'est beaucoup de boulot, ça c'est clair. Mais je suis pas le seul, hein, parce que on a quand même dans le projet qu'on avait présenté aux collectivités territoriales locales et aux partenaires, on a un projet sur le moyen terme, et donc c'est ce qui fait un peu envie aux partenaires de venir nous voir. Je sais pas, on l'a dit tout à l'heure à l'antenne ou bien avant pour préparer, mais le basket à Bordeaux, c'est pas évident, quoi. Quand on parle Bordeaux, c'est plutôt les Girondins, l'UBB, les Boxers maintenant. Et voilà. Donc il faut convaincre les gens. Je parle pas du public, mais peut-être qu'on en reparlera après. Mais il faut convaincre les partenaires, que ce soit les entreprises ou les collectivités, que notre projet est viable et que voilà, on a une ambition certes importante, mais mesurée. Et c'est ça qu'il faut arriver à convaincre. Alors c'est assez compliqué. Ouais, le passage de National 2 à National 1, il faut multiplier le budget par 50%. Et donc il faut aller les chercher, quoi. Donc la ville de Bordeaux nous aide, mais c'est évidemment pas suffisant. Donc on n'est pas éligible aux aides régionales, puisque le conseil régional n'aide que la Pro A et la Pro B. Bon, voilà, c'est comme ça. Et donc il faut aller chercher d'autres financements par des biais différents. Et puis les partenaires privés, c'est le nerf de la guerre. Et la Nouvelle-Aquitaine aide d'autres clubs, j'imagine. Oui, bah, les clubs de Pro A, Pro B, donc Limoges. Il peut pas y avoir d'exception pour la ville préfecture, enfin pour la, bah, non, pour la parce grande que ville. La Rochelle, qui est dans la même poule que nous, je pense, lèverait le doigt également en disant bah pourquoi pas nous. Non, Tarbes n'est pas dans la même région. Mais donc non, bah, c'est une règle. Nous, la règle a été établie bien avant. Elle est comme ça. Donc il faut être un peu imaginatif pour aller chercher des financements. Et c'est plutôt des financements privés, ça c'est clair, quoi. Voilà. Et du coup, ça, j'imagine que ça représente énormément de votre temps. Oui, alors moi j'ai une chance terrible, c'est que je ne dors pas beaucoup. Je dors 4 heures par nuit à peine. Et donc je même si j'ai un job professionnel qui m'occupe beaucoup, ça me permet de m'occuper du basket et d'autres choses d'ailleurs, parce que je fais pas que ça. Donc, mais c'est beaucoup de temps. Mais comme je vous l'ai dit, on a structuré, on a évidemment la partie sportive est importante, mais on a structuré la partie administrative. On a un directeur, on a un responsable marketing, un responsable commercial, une assistante, et puis de temps en temps des alternants qui viennent nous aider. Alors j'en ai parlé avec votre collègue la Damos, donc on a un partenariat avec l'école Damos, et puis voilà, il lève le doigt. Et donc on essaye de trouver effectivement des ressources un peu comme ça pour pouvoir nous accompagner, parce que c'est y a quand même un boulot immense à faire au basket à Bordeaux pour pouvoir convaincre les gens de venir, quoi. Mais justement, à Bordeaux, on parlait beaucoup, les Girondins, l'UBB sont des sports qui sont vraiment au-dessus au niveau de Bordeaux, de par leur notoriété. Mais comment aujourd'hui on arrive à se démarquer en tant que JSA produit sport basket à Bordeaux? Comment on arrive à aller chercher des partenaires? Les valeurs, mais après on peut les mettre à toutes les sauces. Le rugby a des valeurs, le foot a des valeurs. Oui, mais justement tout le monde a des valeurs. Non, nous on a essayé de construire un projet, certes avec des valeurs. On est accompagné par une société. On est accompagné par une société dont c'est la spécialité dans le marketing et le conseil, alors pas que dans le sport, mais aussi dans le sport, qui s'appelle Be My Biz, et qui nous accompagne un peu dans la réflexion un peu stratégique que l'on mène sur le projet. Donc voilà, on l'a bâti, on l'a présenté à nos partenaires, et on a convaincu un certain nombre, mais ça suffit pas, donc il faut qu'on continue. Il faut aller avec son bâton de pèlerin, essayer de convaincre l'ensemble des partenaires, quoi. Voilà, c'est pas simple. Président, sur Twitter, on réagit avec le hashtag Gerd. Il y a Basque qui nous demande, c'est quoi les objectifs cette saison pour les JSA? Alors, moi je pense que l'objectif essentiel, c'est de rester en National 1. Notre projet est phasé, hein, puisqu'il s'appelle Pro B 2021. On a eu la chance de faire, même si c'était pas initialement prévu, N2 N1 d'une année sur l'autre. Donc ça c'est vraiment intéressant dans le projet. Et donc le gap de N1 Pro B budgétairement, il faut le doubler. Je vous ai dit tout à l'heure c'était 50%, là c'est 200%, quoi. Donc il est clair qu'on se mettrait en danger si on passait en Pro B. Alors sportivement, Il faudra voir. On n'est pas non plus sur le papier l'équipe favorite, puisqu'il y a eu déjà, vous imaginez, sur les forums, un certain nombre de pronostics qui ont été faits. Voilà. Nous, moi, je pense qu'un maintien confortable, rapide, serait intéressant pour nous. Ça nous permettra de continuer à bâtir un peu ce qu'on a essayé de faire depuis un an, quoi. Voilà. En termes de... Mais si j'étais le coach dit on joue match par match et on essaye de gagner match par match. Donc et avec cette philosophie, lui c'est gagner tous les matchs, quoi. Voilà. Bon, il y aura peut-être quelques incidents, mais c'est sa philosophie et moi je la partage assez et je pense que les joueurs adhèrent à ça également. Quoi. Est-ce que vous faites partie de ces présidents comme au football qui, quand ils apportent leur soutien au coach en général, vous savez les fameuses interviews d'après match, oui, j'ai toute ma confiance. Alors, Joachim Chinduté est un très très bon coach. C'est pour ça qu'on l'a prolongé sur cette deuxième année. Non, moi je suis pas comme ça. De toute façon, c'est pas du tout la façon de voir des JSA Bordeaux Métropole Basket, quoi. Et du coup, ouais, pour un joueur, c'est quoi les objectifs perso cette saison? Bah, je dirais plus dans le sens du coach où voilà, on est tous des compétiteurs, on veut tous gagner les matchs, donc il n'y a pas de question qui se pose. On veut se maintenir, c'est sûr, mais on veut surtout essayer de gagner. Si on peut faire déjà les playoffs et après, on verra, quoi. Bon, Alex, j'ai une question pour toi. Alors, c'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent dans le football et qui arrive dans le rugby aussi. C'est le culte de l'individualisme au sein d'un collectif. Alors, le basket, c'est quand même le sport phare, avec notamment les statistiques, l'ultra-professionnalisme à l'américaine. Comment on vit ça, basketteur, le fait de regarder sa performance au sein d'un collectif? C'est vrai que les statistiques prennent une place énorme dans le basket en ce moment, mais on n'a pas vu des équipes où un joueur faisait gagner l'équipe. Un joueur peut faire gagner l'équipe par son aura, par ses passes décisives et tout, mais ça sera par ses passes décisives qui va faire gagner l'équipe. Un joueur peut pas mettre 80 points tout seul. Donc il y a toujours ce côté où on a tous envie d'être bon sur le terrain, mais on veut pas faire d'erreur surtout et aider le collectif, parce qu'on sait très bien que tout seul on n'y arrivera pas. Enfin, il y a surtout ce côté-là où tout le monde sait qu'il faut prendre le recul nécessaire, et surtout à ce niveau-là où tout le monde est professionnel, savoir qu'on peut être très bon, mais on est aussi très bon quand on rend bon les autres. Et donc il y a ce côté-là qui prend du recul sur cette image individuelle. Ouais. C'est exactement ce qu'avait dit Kobe lors de ce fameux match où il met 80... Je suis pas sûr qu'il ait dit ça comme ça. Non, mais où il expliquait où il met 80 ou 83 ou 84 points, je sais plus, 81 points dans le même match il y a quelques années, où il, justement tout le monde évidemment se focalisait sur c'est ce que vous avez fait, c'est stratosphère, et c'est vrai que sa performance était énorme, mais la première chose qu'il dit, c'est tout seul, je suis rien, et si mes copains sont pas là pour me servir au bon moment, ou gratter des ballons pour partir derrière, je suis rien du tout, quoi. Et puis à la base on fait ce sport parce que c'est un sport collectif, donc si on n'arrive pas à comprendre ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Au niveau du coach, comment on arrive à faire comment le coach arrive à vous faire prendre conscience en fait de l'apport personnel? Moi c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est j'ai une formation à la base de footballeur. Physiquement, je le porte pas sur moi. Non, t'as la formation. Mais c'était il y a longtemps. Mais c'est vrai que quand j'étais enfant, il y avait toujours cette notion d'aider le copain avant de penser. Et aujourd'hui, quand je me rends sur les bords de terrain, de plus en plus, j'entends parler de la performance individuelle au premier plan. C'est vrai, mais comme je le répète, il y a cette performance individuelle où il faut chacun être bon, mais si on n'est pas bon ensemble, on ne peut pas faire gagner l'équipe. Et le coach, il va le dire en mettant des cadres, en mettant des limites, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire et que d'autres maîtrisent et d'autres ne maîtrisent pas. Et ça, après, c'est un ensemble qui se fait, et c'est un puzzle qu'on arrive à construire pour essayer d'avoir une équipe qui est cohérente. Moi, pour assister aux causeries d'avant-match, le coach, dans les objectifs qu'il fixe à l'équipe, c'est justement des objectifs d'équipe, quoi. Il demande pas à Alex, toi, tu mettras 10 points, tu prendras 4 rebonds, voilà. Ce sont des objectifs d'équipe, et effectivement, mais ça, notamment, on l'a démontré l'année dernière, la solidarité au JSA, et ça fait partie du recrutement. On recrute pas des joueurs parce qu'il a été bon la saison dernière, et si c'est un sale con, celui-là, on le prend pas, quoi. Et donc, on étudie quand même l'attitude qu'il a pu avoir. Alors, c'était par des échanges, hein, puisque des fois, on peut se tromper, mais, et là, pour le coup, depuis 2 ans, là, Alex vous l'a dit tout à l'heure, on a plutôt des individualités intéressantes, mais ce qui prime, c'est le collectif. Et si on a fini troisième l'année dernière avec les pépins qu'on a eu avec deux joueurs, et ben c'est grâce au collectif. Quand ils vous ont dit qu'ils ont fini la saison à 6 au basket, même en National 2 à 6, c'est très compliqué, quoi. Et ils ont gagné quasiment tous leurs matchs, si ce n'est tous leurs matchs après qu'ils soient partis, parce qu'ils ont ils travaillaient pour les autres et pas que pour eux, quoi. Voilà. Ouais, il y a cette notion qui est, enfin, c'est obligatoire si on veut gagner. Il y a du collectif, et après le coach, pour répondre à la question, il est là pour essayer de nous guider, et il va pas, on peut pas dire tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Chaque opposition est différente, donc voilà, il nous guide, on essaie de faire chacun de notre mieux, et voilà, ça marche comme ça. Et du coup, c'est facile de trouver sa place dans un groupe pro. Oui, pour moi ça a été facile, en tout cas parce que à chaque fois j'ai eu les rapports avec ça se fait en fonction des rapports avec les coéquipiers aussi, comment le coach s'intègre et intègre les joueurs dans l'équipe. Donc après ça dépendra toujours des effectifs et toujours des groupes, mais en tout cas pour cette saison, je pense que tout le monde, ça a été facile pour tout le monde, parce que on voit l'entente qu'il y a dans l'équipe, il y a aucun problème et ça c'est super. Benoît, Julien, je vois si vous avez des questions à poser au président ou à Alex, allez-y, vous gênez pas. Hein. Prenez le micro, allez-y. J'écoute avec attention, j'aime beaucoup le basket. Je suis pas beaucoup le basket français, mais surtout le basket américain, notamment, donc NBA. Devant le micro, s'il te plaît. Ouais, par contre, ouais, juste bien. Ouais, sinon, donc, moi, j'étais en train de penser, donc GSA, et quand je pense GSA, je pense toujours à Boris Diaw, qui était dans la présidence il y a quelques années encore, et qui a pris sa retraite hier. Et donc c'est vrai que j'ai toujours ce lien, parce que c'est quelqu'un qu'on a vu souvent sur Bordeaux, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a 5-6 ans pendant le lockout NBA. Et GSA, pour moi, ça a toujours eu cette image de prestige et ses valeurs humaines, avec des personnes toujours humbles, entières. Et c'est vrai que ça a toujours été un plaisir de rencontrer ce genre de personnalité. Président, c'est ce qui définit votre ligne de conduite en tant que président, de se baser sur certaines... comme vous avez dit tout à l'heure, voilà, on va pas prendre un mec parce que il a juste soit de très bonnes stats ou soit un nom qui claque un peu. En tant que président, vous essayez de garder une idée directrice dans ce que vous voulez faire pour réaliser ça. Quand on a bâti le projet, au-delà de l'ambition sportive, hein, il faut qu'effectivement on construise à côté, quoi. Donc ça passe évidemment par un recrutement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont pas exclusivement sur des valeurs intrinsèques du joueur, quoi, mais surtout ce qui dégage et ce qu'on a pu éventuellement voir quand on les côtoie ou par des échanges avec les anciens, leurs coachs, etc. Et puis les GSA, c'est pas qu'une équipe, hein, c'est de sportifs, c'est aussi des salariés, et donc pareil, hein, on a recruté des gens avec qui on partage un certain nombre de choses, quoi, voilà. Et donc quand le projet a été bâti, il a été bâti avec eux, et il n'a pas été bâti tout seul, et donc voilà, donc ça veut dire qu'on a construit un peu l'aventure ensemble, et ça crée quand même des liens assez importants, même si pour autant quelqu'un peut partir parce que pour des raisons X il peut aller ailleurs, voilà, mais ce qu'on a essayé de construire, c'est effectivement un noyau des valeurs que l'on partage, de convivialité. Le basket, c'est un sport familial, c'est dans une salle au chaud l'hiver, donc voilà, c'est là où les femmes viennent souvent aussi, voilà, donc on a essayé de construire un peu tout ça pour cibler les gens qu'il faut, les gens pour nous qui sont intéressants dans ce qu'on peut dégager sur cette ambition, quoi. J'allais y venir justement, vous parliez de la salle depuis 2016, si je dis pas de bêtises, ça fait 2015, février 3 ans que vous avez réinvesti le Palais des Sports, le Palais des Sports a vu d'ailleurs les JSA jouer en... À l'époque, ça s'appelait pas la Pro A, ça s'appelait la Nationale 1A. Donc la Pro A, les JSA ont déjà joué dans cette salle en Pro A. Le Palais des Sports, pour ceux qui sont sur Bordeaux, qui connaissent, donc qui a été entièrement Victor Hugo, qui a été complètement refait à neuf. Ouais. C'est un bel outil aussi pour vous, je pense. Voilà, travailler dans un bel endroit qui soit bien, voilà, où il y a tout qui est fait pour vous, qui est tout. Même si on est nostalgique de la salle des Peupliers, moi je suis bordelais et puis j'ai vécu juste à côté, puisque mes grands-parents étaient de Saint-Augustin, hein, donc juste à côté, la salle ne permettait pas même d'assumer un projet sportif professionnel, ambitieux. Voilà, donc la ville de Bordeaux avait anticipé ça, j'imagine, avec les GSA, même si j'y étais pas, moi. Et ils nous ont rénové un palais des sports avec une jauge à 2700 et qui est validée Pro A, hein, qui est donc on pourrait éventuellement jouer en Pro A. dans les standards connus à l'heure actuelle. Hein. Donc, on a une vraie belle salle sous forme d'arène. Et quand elle est pleine, elle l'a été quelques fois, pas tout le temps, mais quelques fois. Et notamment pour le match inaugural en février 2015 contre Blois, où là, il y avait une ambiance extraordinaire. Moi, j'arrivais de Limoges, et même sans comparer Beaublanc. Énorme ambiance à Limoges. Quand même. Voilà, mais quand même, il y avait une ambiance extraordinaire. Alex était là, il peut en témoigner. Même si on a perdu contre Blois, on a eu quand même une ambiance assez extraordinaire. Donc, ça présage. Sans cette salade, de toute façon, on n'aurait pas pu construire le projet, puisqu'il faut que l'infrastructure soit là. Il faut accueillir nos partenaires, il faut accueillir le public, et on le peut faire dans cette salle qu'on pouvait pas faire au Peuplier, ça c'est clair. Quoi. D'ailleurs, président, premier match, c'est contre Nantes, donc le 15, c'est ça, Marc. Le 19 septembre. Le 19 à 20h. Le mercredi 19. Et donc, du coup, Enzo, je te laisse annoncer. Alors déjà, on va remercier LBL et JSA de Bordeaux de nous offrir ce cadeau. On offre deux places pour le match opposant les JSA à Nantes, donc une équipe de Pro B. Ils jouent dès mercredi 19 à 20h au Palais des Sports de Bordeaux. Donc allez sur nos réseaux sociaux. On a identifié aussi les JSA, donc allez sur nos réseaux sociaux, retweetez et suivez la démarche. Et essayer de deux places offertes. Et du coup, aller nombreux en masse à ce match-là. Donc, venez nombreux. Oui, oui. Du coup, en plus, un mercredi, donc les Girondins ne jouent pas. Les, et puis les gars, c'est Nantes. Ça les rugby, en basket, voilà. Et puis Nantes, trop, quand même, il y a rivalité quand même. Là. Pour nous, pour je nous. Je sais pas s'il y a une rivalité au niveau du basket, mais au niveau football. Nantes, c'est le derby de l'Atlantique. La question que j'avais, niveau basket, vous avez. Devant le micro, mon petit. Niveau basket, c'est quoi, vous le répétez en tant que joueur, en fait. Les clubs, pour toi, si tu es à Bordeaux, genre La Rochelle, c'est un gros derby. Si Nantes, c'est un gros match. La Rochelle, c'est la ville qui est la plus proche contre laquelle on joue. On jouait déjà en N2 contre eux, et là, on rejoue contre en N1. Donc, c'est vraiment. On peut parler vraiment du derby qu'on va avoir cette saison. Il y a Toulouse aussi qui est à côté. C'est vraiment les deux villes où tu peux faire un derby de l'Atlantique et de la Garonne. C'est là où tu sors un peu plus peut-être les coudes que d'habitude. Non, c'est toujours un plaisir de revenir à la maison. Oui, c'est vrai que oui. Mais après, pour revenir sur ce qu'on parlait d'état d'esprit et tout, c'est vrai que les JSA depuis 2 ans, on sent qu'il y a quelque chose en plus du groupe. Et cette énergie-là, c'est super à ressentir. Et les joueurs qui sont présents à chaque fois mouillent le maillot pour l'équipe. Donc c'est vraiment plaisant, quoi. Toi qui es là justement depuis quelques années, tu as senti ce alors peut-être que c'est là aussi depuis le début, mais il y a eu quelques années galères avant, voilà. Pour pas vous mentir, et c'est vrai que depuis que on arrive en N2 du coup il y a 3 ans, ça s'est restabilisé l'an dernier, et c'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé au niveau de la présidence, des dirigeants. C'est vrai que c'est clarifié. Pour qu'il le dise, Alex. Non, mais c'est que ça s'est vraiment réorganisé, et on est quelque chose où c'est serein. Et nous, en tant que joueurs, c'est un environnement vachement sain, et on peut évoluer clairement et facilement. Et on est vraiment focus sur le terrain, et c'est vachement plaisant, quoi. Donc, vous avez tout cette année pour. On a tout dans nos mains pour gagner comme l'an dernier. Et donc, voilà, on va essayer de faire notre maximum sur le terrain. Une petite prime président quand même si elle maintient. C'est le mec qui veut pas. Le mec qui veut pas. J'ai rien demandé. Que... Ils ont rien demandé. C'est ça. Je suis étonné. Moi, j'aimerais revenir sur le fait qu'il y ait eu Boris Diot qui se soit investi au JSA. Comment tu l'as vécu, toi, d'avoir cette légende du basket, quoi, français. Mis à part l'avoir rencontré du coup en pré-saison, on a déjà fait un resto, il nous a déjà invité, on le voyait pas non plus. Il s'impliquait pas forcément. C'est pas qu'il s'impliquait pas. Je sais pas le niveau d'implication qu'il avait, parce qu'en tant que joueur on connaît pas tout ça, mais on l'a déjà rencontré en pré-saison, il a fait les efforts pour venir nous voir. C'est toujours c'est quelqu'un d'humainement hyper gentil et quelqu'un de vraiment sympathique, et on sent qu'il y a pas de masque, il y a rien. Et après, en soi, la saison, on le voyait pas trop parce qu'il a ses occupations. Oui, t'es au States. C'est compliqué de le voir. Et on parlait tout à l'heure en off du un Bordelais prend sa retraite et un Bordelais arrive en NBA, Eli Kobo. Ouais, Eli, ouais. Aussi produit des JSA qui. Alors, pas que, hein, puisque oui. il a fait 2 ans chez nous, hein, en tant qu'AD France. Il faut le dire. Il était dans la formation, c'est Alex le dirait mieux que moi, dans des années hyper importantes, quoi. KD France, c'est là où on formate un certain nombre de choses. Juste une parenthèse, puisque donc ce joueur a été, alors si je dis pas, il a été donc formé en partie au JSA. Est-ce que ça marche comme alors on va se baser sur le football ou quand un joueur justement est formé dans un club et qu'après il est transféré ailleurs ouais, ça peut. Le club formateur a le droit. Ça dépend à quel niveau de draft il est, quoi. Voilà. Et donc Okobo a été drafté 31e, si je me gourre pas. Donc du coup à une place près. Et donc il aurait dû, s'il avait été 30e, là pour le coup c'est Paul Élan Bernet qui aurait dû toucher le pactole puisque c'était aux alentours de 500 000 $. Et les JSA étaient modestement à 5 000 $. Là pour le coup, comme il était 31e, malheureusement l'Élan Bernet a touché 5 000 $, quoi, voilà. Donc ou peut-être enfin quelque chose près, quoi. Ça se prend. Donc voilà, ça se prend. Enfin, moi j'aurais été content de le prendre. Tiens, une question que je vous ai pas posée, si vous voulez pas en parler, vous me le dites. Le budget des JSA saison, grosso modo, pour qu'on ait une idée. Globalement, il est pas complètement stabilisé, mais on est entre 700 et 750 000 euros, qui reste un budget assez modeste pour la National 1. Mais comme pour comparaison, je l'ai dit en off tout à l'heure, moi je ne dépense que ce que j'ai prévu et pas le reste. Donc malheureusement, mais on a une belle équipe, hein, donc on a fait chacun a fait des efforts, hein, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, hein, on est presque une famille, et donc même si avec des agents c'est toujours difficile de négocier. Moi je suis plutôt marchand de tapis, donc j'ai bien négocié, mais quand même chacun a fait des efforts. Hein, ils sont dans une belle ville, il y a tout ce qu'il y a autour de leur contrat, le logement. Enfin, en tout cas pour ceux qui sont logés, le cadre exceptionnel, les conditions de transport sont plutôt sympas, et c'est pas le cas dans tous les clubs, et d'ailleurs il y en a pas beaucoup qui transportent les joueurs en grand bus ou par train ou par avion, si on sait jamais si on joue côté est un peu loin. Bon voilà, donc Et du coup, pour la ville de Bordeaux, pour un jeune, ça attire ou c'est bof? Oui. Non, Bordeaux attire clairement. Bordeaux attire les Parisiens, Bordeaux attire les touristes, Bordeaux attire les entreprises. Du coup, un joueur, c'est plus facile. Et les joueurs, l'Américain, là, quand il a vu que c'était Bordeaux, je pense que ça a dû jouer un peu dans sa décision, parce qu'on était en compète, évidemment, avec d'autres clubs, hein, qui devaient lui donner beaucoup plus que nous, on ne lui a donné. Mais il a fait un choix, quoi. Il a fait un choix de vie, un choix de ville et un choix de club. Voilà. Ça vous aide quand vous allez, alors je sais pas comment vous procédez, de vous démarcher pour aller chercher des nouveaux partenaires Ça aide d'estampiller, voilà, JSA Bordeaux, c'est un nom. Alors les partenaires, ils sont quasiment essentiellement des locaux. Quoi, hein, voilà. Donc ils connaissent la ville, ils sont venus pour ça aussi. Là où il faut les convaincre, c'est sur le projet, sur la salle, sur comment on les reçoit, ce qu'on leur apporte. Nous, on a créé le JSA Business Club, puisque ce qu'on peut leur donner en termes de proximité, ce qui n'est pas le cas aux Girondins et à l'UBB. Moi, je suis partenaire des JSA, oui, aussi, mais de l'UBB et des Girondins, c'est plus anonyme, parce qu'il y a énormément de partenaires. Il n'y a pas unité de lieu à l'UBB, par exemple, alors que nous, on a une unité de lieu pour rencontrer les partenaires. Donc, certes, nous, on essaye de jouer sur cette proximité, sur le fait que les partenaires, on n'est pas nombreux, on est une centaine pour l'instant, on a un objectif de passer à 150 cette année, et finalement, tout le monde se connaît, quoi. Et c'est ça qu'on essaye de leur vendre, entre guillemets, pour qu'ils puissent retrouver ce qu'ils ont envie de retrouver, c'est-à-dire un réseau et puis un échange plus facile après, quoi, entre eux. Ouais, c'est vrai. Donc. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à Alex, c'est comment aujourd'hui un basketteur peut faire aimer le basket en France. On voit la hype aujourd'hui qu'il y a le foot grâce à la Coupe du Monde. Il y a eu cette hype au niveau du rugby. Le basket, c'est la NBA en France. Ça fait longtemps que l'équipe de France. Aujourd'hui, comment on pourrait arriver à. Là, tu parles tout à l'heure du 3, du 3 versus du 3 contre 3. Ouais. Est-ce que c'est pas ça aussi peut-être qui va démocratiser le... C'est sûr que augmenter le nombre de pratiquants par des pratiques différentes, ça va forcément augmenter la visibilité du basket. Mais après, il y a toujours ce problème où de la visibilité au niveau de la télé, où on est vachement en retard, où les droits, et on préfère logiquement passer sur du rugby ou du foot ou du rugby. Et je pense que si médiatiquement, il y a des efforts de fait, ça, pour le basket, ça le fera du bien. Pourtant, ça cartonne. Alors, on disait tout à l'heure, avant l'émission, évidemment, malheureusement, c'est tous les deux ans, quand il y a un Euro, une Coupe du Monde. C'est sûr. L'engouement qu'a la France pour l'équipe de France. Voilà, le champ. Oui. Non, mais il y a un événement. Pourtant, il y a des événements qui sont hyper intéressants. C'est le Quai 5. C'est pas grave. Je crois qu'il y a un événement Quai 51, Quai 54. Quai 54. C'est pas loin. C'est pas loin, mais c'est vraiment de la culture streetball. Ouais, ouais, mais est-ce que c'est pas une manière justement de développer ça? Parce que quand je vois qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de terrains de basket dans les dans les lieux de vie. En France aujourd'hui, c'est surtout des terrains de foot. Est-ce que petits stades quand même avec des... Oui, mais bon, terrain de basket, c'est pas forcément. Non, c'est vrai qu'on est. Après, la différence des États-Unis, c'est que la culture française n'est pas basket, quoi. Là-bas, on est, il y a des terrains de basket et c'est et comme pourtant, ça. Dans toutes les cours d'école de tous les collèges de France, il y a des terrains de basket. Mais c'est parce que c'est un sport scolaire aussi qui est intégré, mais on n'est pas dans la culture où on va jouer au basket dès qu'on est petit. Il y a le foot déjà qui prend beaucoup de place. Mais c'est vrai qu'en, je pense qu'en augmentant le nombre de pratiques différentes, on peut augmenter la venue à différents publics à ce sport-là. Ouais. Toi, tu t'es porté naturellement sur le basket depuis tout petit ou t'as un petit peu cherché? Ouais, j'ai un peu, je me suis cherché quand même. Devenant d'une famille de rugbyman, j'ai un peu fait rugby. T'as le gabarit aussi qu'il faut. Ouais. J'ai fait un peu de tennis. Enfin, j'ai un peu tout fait. Ouais. Et après du judo aussi. Mais après, c'est avec les amis, on a décidé, on va faire un peu de basket et voilà, ça a pris. Et... Voilà. Sans que tu penses peut-être te dire un jour j'évoluerai à un niveau. Non, au début, c'était vraiment du plaisir. Et après, quand j'ai vu à La Rochelle en fin d'année que ça commençait à être sérieux, je m'entraînais avec les seniors et que j'ai fait quelques matchs avec eux, je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et puis voilà, je me suis mis sérieusement dans ce projet-là et ça a bien marché. Dernière question, Cyril. Et moi, c'est juste sur le développement. Est-ce qu'au niveau de la Fédé, Il y a peut-être des accords qui viennent de passer, mais justement, puisque c'est un sport qui est scolaire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à développer avec les écoles, plus avec les UNSS et compagnie? Ah, si, ben, comme l'a dit Alex, la Fédé essaye de multiplier les pratiques du basket. On doit être là, si je me trompe pas, la troisième fédération en termes de licenciés. On est à plus de 620 000, depuis que Suita est président. Il a dû faire de 450 à 620 000. Donc, il y a un développement. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des résultats. Alors, malheureusement, c'est tous les deux ans, championnat d'Europe, championnat du monde. Le 3-3 va nous amener d'autres pratiquants. Il faut peut-être aller chercher à l'école. Donc, voilà. Donc, alors, nous, on a des actions avec l'UNSS de temps en temps. On les fait venir au JSA. On essaye d'aller porter le basket pro dans les communes de Bordeaux Métropole. On essaye d'avoir des accords avec ces communes-là. On va les voir à l'école. Enfin voilà, il y a eu des échanges. À l'inverse, ils viennent nous voir sur les matchs. Donc c'est ça qu'on essaye de développer au sein de la communauté de basket, quoi, qui n'est pas que des pratiquants de basket. Comme vous imaginez, sur des 5-5 ou dans des clubs plus classiques, quoi. On essaye de développer tout ça, puisque nous, ce qu'on recherche essentiellement, c'est que notre public vienne nous voir en nombre et que les partenaires viennent. Donc, ça vient souvent par les enfants. Voilà, donc, voilà, c'est ce qu'on essaye de développer dans tout ça. 21h47. On va vous. On est parfait. On a une minute près. On est pas trop mal. On va vous libérer parce que vous avez des obligations derrière. Merci vraiment. Merci. Et du coup, n'oubliez pas d'aller encourager le 19. Mercredi 19 septembre. J'ai pas l'horaire du. 20h. Premier match du championnat le 25 septembre à 20h30. Puisqu'on joue que les vendredis soirs, nous. Exclusivement. Facile pour les Bordelais. Ah, c'est tranquille. Bordeaux, c'est maintenant, c'est tout le dimanche à 17h. Il n'y a pas le foot, il n'y a pas le rugby en plus. Il n'y a aucune excuse pour ne pas venir. Exactement. Merci beaucoup, président. Merci à Alex d'avoir passé une partie de cette première heure avec nous. On vous souhaite évidemment plein de bonnes choses avec les JSA. On suivra vos exploits cette année. On suivra vos résultats cette saison. Vous êtes invité le 19 si vous voulez venir. Avec grand plaisir. C'est mercredi prochain, il n'y a pas de souci. Personnellement, je crois que j'ai rien de prévu. Donc, avec grand plaisir, on viendra vous soutenir. Avec grand plaisir, on passera un coup de téléphone et puis on viendra. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. On va continuer, pendant que Thomas. On a quand même reçu un champion du monde universitaire. Classe. C'est la classe. Classe. D'ailleurs, il y a peut-être le mot à faire signer, les gars. Chope le livre d'or. Le livre d'or. Alors, petite réunion. On va le faire en direct, tranquille. On va le faire en direct. Il y a de la place maintenant. Le studio va se dégager. On était quand même assez nombreux. On va le faire tranquille. Benoît, c'est quand même cool, non? les GSA ici. Il va pas te dire non. Non, mais pour nous bordelais quand même, les GSA, ça veut dire quelque chose. Quoi. Les GSA, c'est une institution, et moi, qui ai toujours été fan de basket, j'avoue que j'ai toujours admiré ce club-là. Et puis les GSA, j'ai envie de te dire, c'est quand même, c'est un club omnisport en plus. C'est pas que c'est le basket, mais c'est aussi toute la vie associative du quartier de Saint-Augustin qui est avec. Ouais, c'est vrai. Que c'est un quartier qui représente beaucoup pour les bordelais. Alors, pour vous donner une idée du programme qui va arriver, on fera une pause vers 9h20 d'ici une petite demi-heure, on va dire. Avant de s'intéresser après sur la deuxième partie de l'émission, une grosse partie e-sport, Benoît et Julien sont avec nous en studio pour peut-être vous faire découvrir le monde du e-sport. Le monde du e-sport, si comme moi vous le connaissez de nom ou très vaguement, on va dire. Donc vous pourrez, moi je connais le canal e-sport. Oui, le canal e-sport. Bill a une émission W9 aussi, je crois, ou C8, je sais plus. Ouais, faisait un truc à 1h du matin. Il y a le Game One aussi. Il y a Game One aussi qui fait des émissions. Voilà. Donc on va il y a même Bean. Mais d'ailleurs, vous, si vous voulez pendant cette demi-heure participer au débat C'est des supporters, donc supporters girondins, donc forcément il y a un avis sur l'actualité. Puisque depuis mercredi, Bordeaux, ça y est, a un manager. Attention. Mais ils ont un coach aussi. Ça fait péter les grades là, attention. Il y a un coach aussi. Ricardo, Ricardo est donc arrivé avec Patrick Collecteur. Terre et en adjoint évidemment, et Eric Bédoué en entraîneur principal. Sur la feuille de match, c'est lui puisqu'il a les diplômes. Directeur, grosso modo, manager sport, manager, c'est Ricardo, donc directeur sportif, on peut représenter ça comme ça. Eric Bédoué, donc entraîneur, donc de l'équipe première, et Patrick Holter, donc adjoint de Eric Bédoué. Ricardo a sa charge tout le sportif, c'est-à-dire l'équipe 1, l'équipe 2, les U19, et il me semble qu'il a même la section féminine. Donc du coup, il a vraiment. Oui, après ça a été surtout présenté avec la réserve, où il parlait d'avoir vraiment faire sur les deux premières équipes. Enfin, il a quand même un projet quand même qui englobe pas mal de. Alors. À ce propos, petite déclaration donc de Stéphane Martin sur son nouveau manager général. Et entraîneur Ricardo, il dit je n'étais pas là évidemment lors de son premier passage il y a une quinzaine, 12 ans maintenant, 13 ans, 2005-2007. Il dit Ricardo a laissé un souvenir impérissable dans le club, et le mot qui revient en boucle quand on parle de lui, c'est gentleman. Donc le choix de lui proposer le poste est venu assez naturellement. Il n'y a pas eu besoin de venir le kidnapper au Brésil pour le convaincre, alors qu'il avait un bon job dans un grand club brésilien. Il était directeur sportif à Santos. Donc je crois que ça, il dit, il faut le souligner, il avait très envie de venir. En gros tout va bien, c'est la bonne entente, tout va bien. Et Patrick Colter, donc son adjoint, a lui aussi placé un petit mot lors de la présentation officielle à la presse. Il dit moi aussi je suis ravi de revenir comme Ricardo. Alors Patrick Colter, pour les plus jeunes, ancien joueur également du FCGB. Ouais, sous Courbis. Juste après l'épopée de 96. Après Flou, ouais. Il est parti de Paris. Ça a été un des premiers. Sa spécificité à Bordeaux, ça a été de tirer les corners en levant les bras pour annoncer premier, deuxième poteau. Et non, mais vous rigolez, mais à l'époque, c'était les premiers à avoir fait les annonces. Les premiers à avoir fait les annonces en Ligue 1, c'était Bordeaux sous Courbis. Et donc, il dit, Patrick Colter, que il dit c'est agréable. On a déjà travaillé avec beaucoup de gens ici il y a un petit moment. Et Bordeaux, c'est vrai que c'est un club où j'ai passé de bons moments. Il y a une petite histoire entre Ricardo et moi sur la raison pour laquelle je suis venu à Bordeaux en tant que joueur. Il vous la racontera. Donc peut-être un jour on saura. Hein, il a raconté. Parfait, merci. Juste moi j'ai une question quand même, parce que Ricardo c'est bien, mais on en parlait, je sais pas ce que vous en pensez messieurs, Julien, Benoît, mais avant l'émission avec mes collègues là, je dis quand même, surtout les coachs actuellement libres et disponibles qui existent, ne serait-ce qu'en France, je vais même pas parler des étrangers, on était obligé d'aller chercher quelqu'un qui n'a pas coaché depuis 2 ans, qui était manager général à Santos, qui, souhaitons-lui, mais il a quand même eu de graves problèmes de santé, il faut lui souhaiter que ça lui porte pas préjudice pour la suite. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on revient 14 ans en arrière, je sais pas, je me dis, on avait que ça comme solution, je sais pas, moi ça me... Des nouveaux propriétaires arrivent pour lancer un nouveau projet, une nouvelle dynamique, un nouveau truc. J'ai l'impression qu'on essaie de faire du neuf avec du vieux. Enfin, je sais pas. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, t'es dans une tourmente et. Bon, c'est vrai qu'il y a urgence. Ils ont besoin de certitude, je pense aussi. Ouais, voilà. On sait que Ricardo a laissé une très bonne image auprès du club, des supporters, des joueurs qu'il a dirigés, etc. C'est peut-être un choix un petit peu surprenant, parce que t'attendais un nouveau nom, mais peut-être que là aussi il y a des certitudes. Il a une connaissance, du milieu, du club, des personnes qui l'entourent. Il a parlé de Batiston, du business aussi, de Colter. Et je pense aussi que peut-être les futurs propriétaires sont intéressés par le marché sud-américain. Et que lui, il a déjà son réseau aussi. Donc peut-être que c'est un ensemble qui fait qu'il y a des certitudes. Et voilà, les supporters ont aussi... il y a une cote d'amour auprès des supporters. Il y a une crédibilité qui fait qu'on va, on va partir sur des bases... puis c'est gagné. Sereine dans le sens où on sait qu'il sait former une équipe pour. Nous on a connu le bloc défensif, hein, c'était défensif, mais il sait mener une équipe, il sait diriger. Ouais, mais attention, il faut se souvenir aussi de la saison d'avant quand Costa Pavon, Pavon, hein, parce que c'est facile de dire qu'avec Ricardo on sait que défendre, mais l'année d'avant avec Pavon personne défendait et on en prenait 4 ou 5 à tous les matchs. Il sait créer une équipe. Ah oui. Après, il s'adapte aussi à son effectif, certes. Avec le même effectif que Pavon, il fait deuxième alors que Pavon est 17ème ou je sais plus combien. C'est mais... un peu dommage, c'est peut-être qu'il le fait qu'il arrive tardivement, il n'a pas choisi les joueurs. C'est plutôt ça qui pourrait. Ça, c'est le gros, point, c'est le gros handicap. On ne peut pas la remettre en question. Après, avec son histoire d'accident, je ne sais pas s'il a récupéré de toutes ses facultés, à part peut-être la parole. Comme visiblement, si, puisque c'est pas son premier boulot. Ça serait vraiment le premier boulot qu'il aurait eu depuis son AVC. On pourrait se poser des questions, mais il a quand même eu un poste à Santos. Il a été dans 2 ou 3 clubs auparavant. C'est quand même quelqu'un qui connaît le football. Qui sait gagner encore une fois. Alors après, c'est vrai que c'était pas spectaculaire. Mais comme dans la conférence de presse qu'il a donnée, il a dit à un moment donné, je suis venu à Bordeaux, les supporters réclamaient des résultats, on leur a donné des résultats. Après, voilà, bon, c'est clair qu'il y a des matchs, mais on marquait à la 27e seconde, mais le match était terminé à la première minute. Merci, Denison. Mais si tu te souviens, Bordeaux-Nice. Moi, si il va sur la surf, sur la vague Deschamps, le style de jeu Deschamps, ça me va très bien. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu devenu, entre guillemets, ce style de jeu, alors qu'il, moi, me. Bon. Mais surtout que c'est pas forcément que ça, parce que je suis désolé, Ricardo, au Brésil, il a souvent eu des équipes qui jouaient bien. Ou à Paris, et moi, je suis. Alors. Moi, je lui laisse le bénéfice du doute. Surtout que cette année, il y a quand même un effectif où il y a des joueurs. Ça va, il y a de quoi faire. Mais il a expliqué ça. Il a été très clair. Il a dit, je suis venu, les supporters voulaient des résultats, mais surtout, les joueurs n'étaient plus en confiance. Je suis arrivé le premier jour, les joueurs, on a l'impression qu'ils avaient tout perdu. Un bon joueur devient un joueur moyen et c'est ça le problème. Et il explique derrière que le boulot qu'ils font pendant 2 ans de jouer défensivement et d'être solide, ça a permis à Laurent Blanc d'avoir une base et de pouvoir jouer après. Et là, il se retrouve avec un groupe. Alors, peut-être qu'il y a quelques doutes sur certains joueurs, etc. Mais au niveau confiance, ça va à peu près. Il y a certains joueurs comme Camano, même Kalou, qui offensivement sont en confiance. La défense, elle se connaît, elle est en confiance. Donc, pour lui, il aura des bases presque plus solides que quand il est arrivé. Donc... le seul problème, c'est vrai, il n'a pas choisi les joueurs. Mais est-ce que lui, il n'est pas capable de faire quelque chose avec ça ? Il n'a pas choisi les joueurs, mais s'il n'était pas d'accord avec le groupe qu'il avait sous la main, il ne serait pas venu non plus. Oui, je pense qu'il est capable. Tiens, Thomas, tu fais bien de lever la main. J'allais te poser la question, parce que toi, qui as du haut de tes 16 ans, 17 ans, quel âge t'as ? 16 ans, 16 ans, oui. 16 ans, tu n'as pas connu, justement, très peu. Même Adrien, très peu. Tout petit. Les années, tu avais 2 ans, donc on a vu, c'est chaud. 4. Il était déjà bon au football. Ah oui, 4, t'étais 4 ans. Donc t'as très peu connu les années Ricardo en tant que coach. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, cette Moi, je veux y croire parce que j'avais entendu parler comme quoi défensivement c'était très rigoureux. Mais après, à l'image de ce qu'il était sur le terrain en tant que joueur. Mais après quand je vois offensivement le potentiel qu'on a, je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant quand on voit un Camano qui fait un début de saison exceptionnel, un Kalou qui montre de bonnes choses. Après, il faut voir les deux recrues, la Cornelius et Caramo. Alors, il y a une histoire. Apparemment, Cornelius, il est magique. Ouais, alors, juste parenthèse. C'était une blague, mais pour ceux qui suivent Harry Potter. Ah ouais, non, mais alors là, autant. Alors, tu Cornelius Fudge, pour ceux qui. Cinéma, je suis calé sur plein de trucs, mais alors Harry Potter, frère, là, tu m'as. Vous connaissez pas Cornelius Fudge ? Non. Non, il y a un gars en Gironde qui a rigolé, mais vraiment. Il y a que Adrien qui l'a compris. Non, juste un truc. Vas-y, Thomas, déjà termine ce que tu voulais dire, mon petit. C'est bon. Juste un truc. Petite parenthèse. Je sais pas si vous avez vu l'espèce d'imbroglio qu'il y a autour de Lerager et Cornelius, puisque l'histoire du Danemark. Je sais pas si vous avez vu ça. Tu as dû jouer avec des joueurs de Division 3 et pour faire simple, Danemark a des matchs de National League ou de matchs amicaux, je sais plus. La Slovénie. Problème de droit de prix. Je sais pas quoi, entre des sponsors, enfin bon, bref, voilà, problème d'argent. Le Danemark dit, alors plein de joueurs du Danemark ne voulaient pas aller en sélection. Le Danemark a dit, pas de soucis, on va aller chercher des mecs de Ligue 2, de Division 3 et futsal même. Et des mecs de futsal. Ils ont fait, et je l'ai vu, ils ont publié un premier groupe avec justement des équipes de 2ème division, de 3ème division et 5 joueurs de futsal, si je dis pas de bêtises. Et on a appris cet après-midi que et le Rager et Cornelius étaient reconvoqués en sélection. C'est un petit peu... Parce qu'en fait, ils auraient trouvé un accord juste pour le match de... Ligue Nation, non, je crois que c'est un match amical. C'était le match on amical. Va pas se mentir, les enfants, ouais. Ça va être. Le prochain, c'est un match de Ligue, c'est Ligue Nation. Du coup, ils ont trouvé un accord pour le match pour pas perdre genre 3-4-0 contre le Pays de Galles. Ouais, enfin, on va pas se mentir. Ça, nous, Girondins de Bordeaux, ça nous arrache pas bordel, des masses. Ouais, autant ouais. Le Rager est là depuis l'an dernier, bon, à la limite, mais je veux dire, Cornelius, mec, vient d'arriver. Je sais même pas s'il a fait 2 entraînements de suite avec la Une, ouais. Et on va le perdre là pendant. Puis le pire, c'est qu'ils partent, ils reviennent, ils repartent pour revenir aussi après. Donc c'est des voyages et tout. C'est un petit peu. Enfin, c'était juste la petite parenthèse. Mais on a le même problème aussi avec les gardiens. On a Costil qui est donc en équipe de France et Poussin en équipe de France Espoir. Du coup, on se retrouve avec Mandanda et Prior qui étaient rappelés. Ça leur fera du. Après, c'est pas un problème. C'est jamais un problème d'être en équipe. Par contre, c'est clair que le voyage, là, ils auraient pu se passer de les renvoyer dans les clubs. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que surtout que tu trouves un accord 24 heures après les avoir envoyés chez eux, c'est quand même. On a Zero Boy sur le chat qui nous dit quand tu lis Harry Potter, tu mates des matchs de Quidditch, le football c'est has-been. C'est pas faux. Alors, vous m'expliquez. En off, ce que c'est que le les matchs de Quidditch IRL, ça veut dire en vrai, avec un balai et aucun pouvoir, aucun. Ben, c'est magnifique. Enzo, allez voir des vidéos. Genre, il sait pas ce que c'est. Non, mais c'est que. Frère, je ne sais même pas ce qui. Si, je sais qu'il y a Harry Potter. Ouais, c'est qu'il a jamais vu Harry Potter pour pas connaître le Quidditch. Oui, mais bon, la culture. Franchement, moi, des sorciers de 8 ans qui font des tours de magie et des bagues. Non, mais le pire, c'est que le Quidditch, vous rigolez, mais le Quidditch, c'est un vrai sport. Non, mais je te jure, ça se pratique vraiment. Tu regardes des vidéos, il y a des matchs de Quidditch et tout. Je te jure. C'est vrai. Alors on vous rappelle évidemment que la drogue c'est mal et que c'est à consommer avec modération. Et la star du Quidditch c'est Contento. Tout s'explique. C'est très bien utilisé le balai. Mais, et tu vois, tout s'explique dans le football. Qu'est-ce qu'on disait du coup, je suis perdu. Oui, Ricardo. Donc voilà, Ricardo, on va laisser Rémi. Rémi est en même Julien Benoît, si vous avez un avis sur Ricardo. Si vous avez si vous êtes content, t'es pas content Julien, ça te plaît moi, bien. Moi personnellement, j'ai pas trop de souvenirs parce que j'étais jeune quand même à l'époque. Mais merci de nous vieillir. Mais ouais, j'attends de voir. Puis si en plus il a un réseau de petits joueurs brésiliens à faire venir dans le futur au club. Histoire de te faire venir un petit joueur sur FIFA, tac, un petit Luan, un petit dribbleur, tu vois. Donc ouais, j'attends de voir, on verra bien. Mince, j'avais une question, je ne sais plus. Vas-y Rémi, enchaîne parce que je ne me souviens pas. Non, moi du coup, Ricardo mitigé. Parce que bon, après Henri, je m'attendais comme. Bon après Henri m'a fait rêver, c'est vrai que le nom Henri par-ci, Henri par-là, j'étais à fond dans le trou. Ah oui voilà c'est ça, c'est exactement ça dont je voulais, voilà ça y est merci. Pouvez nous poser vos questions évidemment 05 56 35 31 si vous voulez intervenir jusqu'à 9h20, on est là avant la pause pour parler de Ricardo et des déclarations de Dacrosa cet après-midi. Ouais moi Henri ça m'a fait rêver mais là Ricardo après je sais pas, il a été quand même bon à l'époque donc on verra. Je laisse un. Les champions du monde quand même. Hein. Oui, voilà, oui, aussi. Mais on verra. Moi, je s'il fait comme il y a quelques années, puis l'année prochaine, on est champion au an de retard, parce que ça fait 11 ans. Alors voilà, j'ai retrouvé la question. Vous pouvez réagir sur le chat, évidemment, avec le hashtag Gérard. Quand on annonce des noms comme ça, Cyril nous parlait il y a une dizaine de jours, il y a 2 semaines, quand c'était le truc Thierry Henry, tout ça, Cyril et Marc nous disaient, à juste titre, on a annoncé Thierry Henry, on a annoncé Klinsmann, on a annoncé machin, on a annoncé truc. Alors, je parle surtout pour vous qui êtes jeunes, parce que moi, personnellement, Thierry Henry, autant te dire qu'il n'est pas venu, ça ne m'a pas plus bouleversé que ça. Est-ce qu'on n'est pas justement un petit peu, Julien, Rémi, Thomas, un petit peu, on nous a vendu Thierry Henry, et puis bon, on a un gars qu'on n'était même pas né quand il jouait au football, quoi, tu vois. Après, Ricardo. Thierry Henry, on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut finalement. Donc, il n'a jamais coaché. Ricardo, il a beaucoup plus d'expérience déjà. Donc après c'est sûr que Thierry Henry en amoureux du foot, c'est sûr que c'est un nom qui fait rêver, mais après on sait pas ce que ça aurait donné en tant qu'entraîneur au Girondins. Bordeaux a préféré peut-être la stabilité, la sécurité plutôt que l'aventure un petit peu le bling bling et un petit peu l'aventure où on part sans trop savoir sur quoi. Et quelqu'un qui a pris un Brésilien, j'aurais préféré qu'on lance un Brésilien style 2002, tu vois, pour pas lancer Ronaldinho coach ou quelque chose comme ça, tu vois. À la limite, tu vois, un peu d'inventivité quoi. Alors, attention, je t'explique. Demain, Ronaldinho devient coach, t'as tous les bars et les boîtes de nuit de Bordeaux, ils font des non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est tu passes de Thierry Henry à Ricardo. Donc, t'as quand même le mec qui représente le football, le beau football, la vitesse, l'esthétisme, à Ricardo, un peu le football austère, où tu joues à 10 derrière, ou, voilà, quoi. En termes d'image, fallait taper aussi fort pour moi. Et taper aussi fort, après 98, il y avait 2002. Et voilà, après Ronaldinho peut-être pas, mais il y avait peut-être des joueurs à lancer. Mais vous êtes mignon, mais Rivaldo, je sais pas. Est-ce qu'un Rivaldo ou un Ronaldinho il aurait payé la clause? Parce qu'il faut pas oublier non, quand même que Ricardo après, a quand même payé. Non, après voilà, Ricardo c'est un seigneur. Ricardo c'est un seigneur. Mais par contre, c'est quand même grave d'en arriver là quand même. Moi je parle vraiment de en termes d'image pour lancer ton projet. Alors Ricardo, c'est un entraîneur que je respecte infiniment parce que mine de rien après 2005 ce qu'il a fait. Parce qu'il faut vous êtes trop jeune, vous avez pas suivi les deux années de Pavon. Mais c'était la guerre au stade. C'est-à-dire que, entre les supporters, la direction. Direction tous les week-ends, voilà. Il y avait, au niveau des matchs, c'était pourri. Merci Juan Pablo Francia. Voilà. Et c'était vraiment quelque chose qui était pas top. Et le mec, il arrive. Ok, c'était austère, mais il nous a fait gagner. Et surtout, on retournait au stade avec plaisir. Et il a bâti l'équipe à 80% ou 70% qui a permis à Laurent Blanc et il a gagné un derrière. Titre et il a gagné un titre la Coupe de la Ligue 2007. Et ça a été surtout un des premiers titres que Lyon a perdu, c'est-à-dire que je crois d'habitude que c'est la première fois depuis 7 ans que Lyon les coupes ils ne les jouaient pas, c'est la première fois qu'ils allaient en finale je crois, être comme ça, et on va péter à Lyon en finale à la Coupe 2 et au Stade de France. Tu sais que j'ai un trou noir sur ce match, j'étais en tribune. Ce match est je me rappelle d'un petit bonhomme black avec un maillot bleu qui s'élève. Je me rappelle surtout de la R sortie sur 15 mètres à peu près de Vercoutre. Si vous avez jamais vu les images, pour les plus jeunes, allez-y, c'est un bonheur. Et après, j'ai un trou noir. J'ai pris 6 ou 7 gars sur la tranche, je ne me rappelle plus de rien. Il faut regarder ce match où on est dominé, mais totalement par Lyon, on se fait presque écraser. Et finalement, à 90e, Angers. Et la fameuse mitraillette. Angers de l'époque. La vraie mitraillette. Chris33 nous dit sur le chat, Blanc se novice comme Henry. Alors Chris33, je voudrais juste quand même t'apporter une petite précision. Certes, évidemment, Thierry Henry est novice comme l'était Laurent Blanc à l'époque. Mais enfin, il y a quand même ce qui pour moi est une énormissime différence. C'est que quand Laurent Blanc arrive au Girondins de Bordeaux, il arrive donc sur une équipe qui est bâti à 80% par Ricardo, avec une direction qui était en place, qui était forte, qui était M6, un président qui était en place, c'était Trio. Il arrive dans un contexte, certes, de novice, mais quand même confort, tu vois. Et pas une concurrence monstrueuse. Et pas une concurrence monstrueuse. Donc, un truc un peu con. T'avais Lyon qui dominait tout le monde, mais après, derrière, ça se tenait un petit peu. Donc, il était confort. Là, Henry, il arrivait dans un club où tu savais pas qui allait être président, qui allait être, les moyens financiers qu'on allait lui donner, le recrutement, les gens. Enfin, il arrive, le mercato était pas fini. Mais finalement, on est 13 ans après, on a les mêmes questions, quoi. C'est-à-dire que tu sais toujours pas en termes de budget ce que tu vas avoir. Alors, tu sais toujours pas comment va être, comment va jouer. Alors justement, je vais t'apporter des réponses, Cyril, puisqu'il nous reste un petit quart d'heure avant la pause et on va donc parler de la deuxième information du jour. Enfin, celle-là est du jour. Qui est, puisque pour la première fois, donc le. Alors, je vais pas appeler ça le futur propriétaire, on va appeler ça la figure, je sais pas comment on peut appeler ça, le représentant du futur propriétaire, Joseph Dagrossa, qui s'est exprimé cet après-midi, enfin en fin d'après-midi, début de soirée, chez Willy, sur l'antenne d'RMC. Le nôtre. Chez Willy Sagnol, donc première interview en France. Pour Joseph Dagrossa, alors je vais vous ressortir en quelques mots pour ceux qui n'ont pas pu l'entendre les quelques grandes lignes de l'interview. Je ne vais pas vous la refaire en entier, vous pouvez retrouver la retranscription sur le site girondin33.com, évidemment faite par Rico. Salut Rico. Il dit voilà, mon rapport au foot, on lui a posé une question sur son rapport au foot, très bonne question. Il dit, nous croyons que le sport et surtout le football est un très gros investissement d'avenir pour les 20, 30, 50 ans à venir. Attention, il ne dit pas qu'il va rester 50 ans à Bordeaux. Bordeaux existe depuis 1880 et sera encore là bien après nous. Mon projet, il sera complexe, mais on pense que la ville de Bordeaux est une des meilleures marques au monde et le club est aussi connu avec une histoire prestigieuse, très prestigieuse. Oh, je vais pas y arriver. Ouais, bon, vous avez compris. Ce qui est sponsorisé par Becherel. Ce qui est... passe ton bac, après on reparle. Ce qui est une base formidable. Et nous comptons agir comme les bienfaiteurs, comme des bienfaiteurs. Notre honneur est en jeu. On restera 5 ou 10 ans. Donc déjà, première information, lui dit qu'ils veulent rester au minimum 5 ans, et pourquoi pas plus si ça se passe bien. Il dit « Je pense que le succès sportif et le succès financier ne sont pas forcément liés. On prévoit d'ailleurs une période de perte, donc il annonce direct la couleur. Mais nous avons même déjà commencé à investir. Le développement viendra après 2 ou 3 ans de transition, donc on va dire d'ici 2021. Quoi. On vise la C3 de manière régulière et parfois la C1. Donc pareil aussi, annonce des objectifs, entre guillemets, voilà, objectifs sportifs, la C3 régulièrement. Ce qui était le standing de Bordeaux jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, c'était on jouait... anciennement, la, comment s'appelait-elle avant de s'appeler l'Europa League Mais là, on l'a joué un an sur deux, presque. Oui, enfin, il y a une époque, Adrien, on l'a joué tous les ans. On l'a joué tous les ans. La politique de recrutement... Sauf les années pas avant. La politique de recrutement, il dit, on veut investir de manière intelligente avec le coach et les dirigeants, en réfléchissant bien pour renforcer l'équipe. Par rapport à notre accord avec M6, nous n'avons pas le droit de parler publiquement. En attendant, on conseille, mais c'est encore M6 le décideur. Évidemment, Willy Sagnol lui a posé la question sur la non-venue. Pourquoi Thierry Henry n'a pas réussi à se mettre d'accord avec GACP. Il dit, voilà, plusieurs facteurs ont fait que Henry nous a beaucoup impressionné, mais je le respecte beaucoup. Il a un immense potentiel, mais nous ne sommes pas tombés d'accord financièrement. Aucun autre désaccord, ça a été le principal levier. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus de tergiversation. Thierry Henry n'est pas venu parce qu'il ne s'est pas mis d'accord financièrement avec GACP. Et il termine il a terminé son interview sur les... sur les rumeurs qui ont été soulevées, notamment par les Ultramarines avant ce match contre la Gantoise jeudi soir, où on parlait d'où le mot est sorti, d'argent sale, machin, tout ça, enfin bref, sans avoir aucune preuve. Il dit, des rumeurs sont nées, dures à encaisser sur qui nous sommes. Regardez, nous avons des partenaires très solides avec nous, King Street et Fortress, deux des plus grands fonds d'investissement. Donc oui, je m'élève personnellement contre les accusations d'argent sale. Mon rapport avec MC, je respecte beaucoup Nicolas de Taverneau. On travaille face à face. Donc, au vu de ce que je viens de vous raconter, ou bien de ce que je viens de vous retranscrire, est-ce que vous êtes plus ou moins rassuré, ou pas plus rassuré que s'il avait rien dit? Qui veut se lancer? Qui est chaud? Qui veut y aller? J'ai commencé. Bon, envoie à toi le lourd de suite, et puis comme non, ça, non, non, non, non, je vais rester dans très mesuré. Juste sur Thierry Henry, j'y crois pas. C'est de la com. Thierry Henry, on le sait très bien qu'il n'avait pas fait une question d'argent. Alors, il avait certainement un standing à faire respecter. Et c'est pourquoi son agent a mis une barre minimum. Mais cette barre minimum, pour en avoir entendu parler, je trouve pas qu'elle était excessive au vu de l'image qu'il pouvait amener au Girondins de Bordeaux. On parle quand même d'un contrat... somme toute basique en Ligue 1, c'est des contrats de coach qui sont donnés à la majorité. En France, c'est pas un contrat d'entraîneur de Premiership. On a entendu parler de Conte et compagnie qui avaient des contrats eux qui étaient ahurissants. Thierry Henry en était loin. Après, le fait qu'il parle, moi je trouve que c'est bien parce que du coup ça donne surtout une voix, un personnage et une image, un personnage un peu factice, un peu imaginaire qu'on avait ces derniers mois. Après, de là à me dire que je suis rassuré, il y a quand même énormément de doutes sur ces fonds d'investissement. Je dis pas que c'est l'argent est sale, je dis pas qu'il y en a pas, je dis pas qu'il y en a beaucoup. J'attends juste de savoir et où on va et pour ça c'est vivement la reprise, vivement la reprise parce que cette période de trouble là nous a un petit peu gâché notre mercato. Ouais. Ça a aussi un petit peu savonné la présence de Poyet. Non, en fait pas savonné, mais ça a entraîné la chute de Poyet. Il y a quand même eu pas mal de remue-ménage dans les coulisses du Hayan. Et là, j'ai du mal à voir où on va, et il me tarde vraiment de savoir quand ils vont arriver, où on va, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, en tant que supporter, qui m'importe. Rémi, ça t'a rassuré. Mais prends-le bien devant ce micro que tu te poses à chaque fois. Là. Ouais. Bref, moi, j'allais dire, place aux actes. J'attends de voir, en fait. Ouais, j'attends de voir ce qu'il fait, parce que là, il parle. Il dit à tout le monde, après, j'attends vraiment ce qu'il va faire le jour où il reprend le club et vraiment s'il pose vraiment son argent ou l'argent de. Enfin, on se demande, et je pense que son choix. Alors, il sera aussi dimanche matin dans Téléfoot, si je ne sais pas si c'est ça. Son choix d'intervenir maintenant, pour moi, après que les je pense que c'est absolument pas. C'est les Américains, les gars. Enfin, ouais. Après, moi, je pense qu'il n'y a rien qui est fait au hasard. Donc, s'ils le font maintenant. Ils ont vu ce qui s'est passé peut-être jeudi soir. Enfin, ils l'ont vu via ce qu'on leur a peut-être présenté. Ils ont vu que ça commençait, que peut-être, voilà, les gens commençaient à se poser des questions. Hop, le mec, il arrive, il dit « Ok, voilà, je vais faire le taf. » Il a pas fait de trucs fracassants. Il a dit personnellement ce à quoi... Voilà, la C1, la C3 dans un premier temps de manière régulière, puis peut-être la C1, le recrutement, on va investir intelligemment, blablabla. Il fait pas de révélation, il fait pas de... Mais au moins, il incarne, voilà, c'est incarné, il y a ce gars-là, on l'a entendu. On l'a vu. On l'avait déjà vu, mais voilà, on sait ce qu'il nous dit. Après, libre à certains de croire ou de pas croire. Mais au moins, voilà, on a la voix officielle du futur repreneur qui... C'est qui, ça, voilà. Mais... Il aussi le timing, c'est que ça y est, le coach a été décidé aussi, voilà. Ils attendaient peut-être ça. Ça veut dire qu'il a pu attendre ça, vu que derrière il peut venir tranquille, il y aura pas de questions. Voilà, c'est une question sur de l'investissement sur long, plus ou moins long terme, mais après là sur l'interview c'était plutôt tranquille, il y a pas de problème de résultat, etc. Donc c'est sûr que ça peut pas être rassurant, enfin ça va pas être nous rassurer, nous dire, savoir ce qu'on va avoir l'année prochaine, même sur les années à venir. Mais de toute façon, on a l'avantage avec cette équipe-là, avec les jeunes joueurs qu'on a dedans, d'avoir des économies, on va dire, de pouvoir faire de l'argent quand même avec des reventes de joueurs, puis racheter de nouveaux jeunes. Ça veut dire qu'on n'est pas un club où on n'a pas de potentiel au niveau de l'argent. Donc oui, il y a l'investissement qui peut faciliter tout ça, mais après, heureusement qu'on a des joueurs qui peuvent nous apporter de l'argent. Voilà. Thomas, Benoît, Julien, si quelqu'un veut se lancer, Thomas. Oui, c'est ce que vient de dire Adrien, ouais, Bordeaux aimerait soi-disant faire comme fait Monaco, ben, avec les jeunes joueurs. Alors il l'a pas dit. C'est leur politique. Il l'a pas dit clairement cet après-midi. Il a pas dit clairement, mais ça, c'est la politique du club qui ce qu'ils aimeraient faire, du moins. Avec, par exemple, de chercher des jeunes joueurs et puis les revendre bien plus cher après, les prendre pas trop cher. Donc, il y a une phrase aussi, si je viens de m'en apercevoir, il dit on doit tenir compte des facteurs, surtout du facteur de contenter la DNCG et suivre les règlements. Ça veut dire qu'ils peut-être pourront pas faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire, quoi. Donc, quand il dit ça, pour moi, c'est sous-entendu. On aimerait peut-être faire bien plus, mais avec la DNCG et tout ce qui va avec... en termes de tu sais que c'est limité maintenant en termes de d'investissement, voilà, mais c'est plus complexe que ça. Il y a peut-être encore d'autres termes sur le plan économique que nous on ne connaît pas, où il peut y avoir des problèmes aussi sur le fait de se faire prêter de l'argent sur un fonds d'investissement et tout ça. On voit à Lille où ils ont eu des problèmes. Ils sont avec passés ça. Devant la DNCG ou pas? Non, pas encore. Ils vont bientôt y aller. C'est bientôt, ouais. Donc ça devrait passer. Benoît, si t'as quelque chose, si t'as un truc... J'ai pas écouté toute l'interview, j'ai pas pu écouter dans l'intégralité. Ce que j'ai trouvé intéressant, donc démystifier un petit peu ce fameux fonds d'investissement dont on est en parlé depuis quelques temps, donc à mettre effectivement de la grosse en avant, c'était bien qu'il s'exprime enfin, et il a apporté quelque chose de différent par rapport... au discours traditionnel, c'est-à-dire que là, il reprend un club de foot, mais lui, ce qu'il veut développer, c'est une marque, une image internationale. Il veut servir de l'attraction de la ville. Donc, je pense que le projet, il est bien plus global que le simple résultat sportif. Et là, je pense que quand on a ce genre de discours, ça peut être rassurant dans le sens où tous les clubs qui ont eu ce discours-là par rapport au développement marketing un peu à l'américaine, ce sont des gros clubs. Que ce soit en France, on peut citer peut-être Paris ou Lyon qui ont ce côté merchandising, marketing sur exposition médiatique, etc. Nice aussi a basé son qui est en train marketing surtout sur l'exposition de la ville. Donc moi, quelque part, rassurant, bon, bien sûr que ça n'a pas rassuré tous les supporters, mais au moins, on a compris qu'il avait un attachement et de vraies ambitions par rapport à Bordeaux, la marque, les Girondins. Donc, pourquoi pas? Je veux dire, toute nouveauté fait peur, on est toujours en train de se poser des questions, on a des doutes. Quand M6 est venu il y a 20 ans, on était un peu pareil. Voilà, M6, M6, quand ils sont arrivés en sauveur, parce qu'on avait peur de Hénic, donc le président, le président qui a repris Tottenham depuis Lévy, qui voulait reprendre les Girondins, donc du coup voilà. Mais moi il y a surtout je te rejoins sur ton, mais il y a juste un point que j'aurais aimé qui soit levé, c'est les tierces personnes, le Alain Yacine, j'aurais aimé qu'il soit présent avec Dagrossa. Il le sera peut-être à l'officialisation vraiment, mais là ça sera... dimanche vu qu'à Téléfoot c'est télévisé, je trouverais bien que le Alain Yacine, qu'on entend beaucoup parler, soit présent et qu'on puisse enfin mettre un visage à quelqu'un, à un nom qui est complètement abstrait. Après, bah déjà que les supporters ont peur, s'ils arrivent à 4-5, première ça, interview, les gens vont dire c'est quoi ce bordel. Je pense que dans un premier temps, c'est Joe Dalrossa qui va s'y coller à faire le tour des popotes, il va faire Canal+. Là, il s'est posé un interlocuteur principal privilégié, voilà. Et ça démystifie un petit peu tout ça, et c'est bien d'avoir cet interlocuteur en particulier. Ouais, enfin, je pense que la démarche, elle est logique. En plus, je pense qu'en termes de communication, c'est des Américains, ils sont des années-lumière devant nous à ce niveau-là. On va peut-être avoir une nouvelle vision des Girondins, peut-être des nouvelles approches de la communication, marketing chez nous, et moi j'espère qu'il va le développer, que ensuite les actes vont être liés à sa parole, quoi. Mais après, on avait entendu au moment où ils allaient racheter et que ça se confirmait qu'en président on garderait Stéphane Martin. Finalement, alors certains n'aiment pas Stéphane Martin, bref, mais d'un côté c'est un côté genre rassurant presque, où il y a quelqu'un, il y aura un cadre, même je sais pas si Ramey sera débarqué ou s'il restera au club, mais il y aura quand même dans la direction, enfin une partie de la direction, peut-être des gens qui étaient déjà là avant, et donc il y aura un côté rassurant. Si les actionnaires changent, il y a quand même la direction à peu près qui reste et qui connaît le club, donc ils feront pas des choses bien. Merci, compliqué. Mon petit bonhomme. 21h20 pile poil. Et ben pour une fois, on, et t'arrêtes de dire avec 21h. Ah oui, 22h. Mais j'ai l'habitude des émissions à 20h, donc oui, 22h20, pardon. Pile poil. Et pour une fois, on est dans les temps, on est dans le timing, donc on est bien. On va faire une petite pause musicale. Allez, on va dire. Et après, on entame le dossier. 10-12 de minutes. Et juste après la pause, on revient avec notre deuxième binôme d'invités. Voilà, je cherche les mots. Julien Torres, Benoît Amédée, alias Kalash et Gitaz. On va parler avec eux. On va peut-être vous faire découvrir, pour certains dont moi, le monde du e-sport, leur comment ça se passe pour eux, comment ils. On a deux spécialistes, Thomas. On a Thomas, Enzo, ouais, aussi, je pense Enzo qui sont chauds aussi sur le sujet. Donc peut-être toi aussi, Cyril. T'es un petit peu de temps. Moi, je sais juste faire carré R2. C'est la base. Le fameux. C'est la base. C'est frappe enroulée, c'est mortel. C'était, il y avait que ça. C'était la base. Tu maîtrisais pas ça, c'était, ça allait pas. Bien. Donc on fait la pause et on revient dans quelques instants dans Gironde Analyse, RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. À tout de suite. Les Girondins font partie de votre vie. Dites sur Gironde Analyse tout ce que vous pensez, en bien, en mal, et soutenez toujours les Girondins.